à caméra, on fait son mida qui chète. On appelle le père caméra, à bas maman, ben y n'a pas. Mon état fait ma sopemo, bon y'a qu'une chèche. On remet des chèches, on remet des chèches. T'es comme ma virawa, t'es comme ma gorawa, t'es comme ma charawa, t'es comme ma forawa. Chocolat tout au yé, on m'a dit que mieux pas. Il a pas eu alors et fou. Timbalé mouillé. Dieu aime les mieux fils. Dieu aime les mieux potes. Dieu aime les mieux fêtes. Dieu aime les mieux potes. Oh, bien mon tibou. Oh, bien mon tissu. Oh, avec fondé. Oh, avec rodé. Oh, bien ma takane. Je vais pas me takane. Timbadjou bangami. Gogo ma gadou. O fe ma yiwo, o fe ma dawo. O te anko ti do konta, set on won o konta. O fe ma lamba mi, se mo jo satan. O fe ma flata mi, o fe dogbo mu fanta mi. O fi mi lanyo ko se mota mi, o pe mi sati ko se tota mi. Pade mi ni gasa mi, magbagbe ganja mi. Tu ne fashion la ni boda mi, mo ni fe lo mi se mota mi. Mo ti mo yon mami mi. Mo ti won yan mommy mi. Mo ni pe mommy me. Te ba mommy me, mommy me me me. Te ba mommy me, mommy me me. Te ba mommy me, mommy me me me me. Dio re mi o fisi. Dio re mi o poto. Dio re mi o feto. Dio re mi o poto. Dio re mi o fisi jo. Dio re mi o poto. Dio re mi o feto. Dio re mi o poto. To ba so fun e po gbagba. Se bo no mo di kon dada. O se ore mi ni din la. Se ma tele ma jo tun gba. Se je re abo wo pampas. Man, your ass dey give me asthma. Ha, money go send number. Ha, why did you send hazard? Se je re abo jongon si. Je fana je fokosi. Mo se wan na won ohun fe si. Baba se ton pe mi bestie. What kind of bestie is that? Mo fun bestie for se ma sa. Se we lo ta kula. E so ko fa se ta. Mo se lorita, o da pe tin jese mo vita, o da pe ori e fe ko ejiya, o da pe omo itin ni liver. Ti ore mi le mi ofisi, ti ore mi o poto, ti ore mi o feto, ti ore mi o poto, ti ore mi le mi ofisi jo, ti ore mi o poto, ti ore mi o feto, ti ore mi o poto.